بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنواصل في هذه الكلمات في بيان بعض الفرق الضالة. On continue donc notre série sur les sectes en islam. وفي هذه الحلقة نبين باختصار ضلالات الحوثيين أخزهم الله وبالله التوفيق. Donc aujourd'hui, on résume les égarements d'une nouvelle secte. Et aujourd'hui, on a la secte des Houthi. Amma nash'atuhum, un bref historique sur l'apparition de cette secte. Fal Houthiyoun, firqatun min firaq al-shi'a al-rafidha. Donc, al Houthiyoun, c'est un groupe de chiites, des rawafid. Wa hadhihi al-firqa dhaharat fi sanat 91 wa 900 wa 1000. Ce groupe il est apparu en 1991 fi Shamal al-Yaman, dans la région de Sa'da, au nord du Yémen. Wa laqab al-Houthiyin nisba ila marji'ihim al-awwal Badr al-Din al-Houthi. Et on les appelle al-Houthiyoun, le pluriel de al-Houthi, en référence à leur guide Badr al-Din al-Houthi. ويسمون أنفسهم أنصار الله. Et eux, ils se nomment أنصار الله. Et ceux qui secourent la religion d'Allah. كذبا وزورا. كما سيأتي معنا, comme on va résumer ensemble في هذا الدرس بإذن الله عز وجل, أن هؤلاء سمن أبعد الناس عن نصرة دين الله عز وجل. C'est des menteurs. Et تعلمون أن أهل الضلال, pour égarer les gens, ils ont ce genre d'appellation. وَإِلَّا فَنَحْنُ لَا نَغْطَرْ بِالْأَلْقَبْ. صاحب الحق, il ne doit pas se faire tromper par les noms, par les appellations. المهم, c'est le contenu, les fondements. À quoi tu appelles? Qu'est-ce que tu défends? Qui tu combats? C'est quoi ta croyance? Qui tu suis? C'est qui tes guides? Et après cela, on pourra savoir est-ce que un tel parmi les gens, ou tel groupe, ils sont sur la vérité, amla. وأول ما ظهروا كانوا يعرفون باسم الشباب المؤمن. Au départ, quand ils sont apparus, au début des années 90, ils étaient connus sous cette appellation, الشباب المؤمن, et les jeunes croyants. والحوثيون في الأصل كانوا ينتسبون إلى مذهب الزيدية. Au départ, et il s'apparentait à ce madhab, min madhahib al-shi'a al-dullal al-zaydiya. Un madhab, c'est une branche des shi'a qui est très propagée au Yémen. Et khasatan, plus spécifiquement au nord. Et on verra, inshallah, à la fin de la kalima, est-ce que haoula, c'est vraiment des zaydiya amla. Wa lamma safara Badr al-Din al-Houthi wa waladuhu Hussein, son fils aîné, Hussein, quand il a voyagé avec son père, Badr al-Din, il a Iran ou Lounan, donc ils ont voyagé en Iran et au Liban, et ils ont rencontré Al-Rawafid, Al-Ithnay Ashriya, et Al-Imamiya en Iran, et كذلك ils ont rencontré Hizbullah en Lounan, فتأثر بأفكار Al-Rawafid Al-Zanadiqa. Quand ils ont fait ce voyage et ils ont rencontré Rous al-Dalal, les têtes de l'égarement de ce groupe Rawafid, ils traduisent par les chiites en Iran et au Liban, fata'athar, ils ont été touchés et ils ont accepté, iyadan billah, leurs idées et leurs croyances. Wa fi 1996, en 1996, ils ont jamais était d'accord avec Zaydiya pour plusieurs raisons qu'on verra, inshallah, fi hadhihi al-kalima. Fataraka Badruddin al-Houthi Hizb al-Haq. Donc, Badruddin al-Houthi, il a délaissé Hizb al-Haq, un groupe parmi les groupes de Zaydiya au Yémen. Ou à كذلك أسس حزبه مع ابنه حسين. Il a fondé son propre parti, son propre groupe avec son fils Hussein. أسس كذلك المدارس في بلاد صعدة. Ils ont fondé à la même époque des écoles dans la région de صعدة, toujours au nord du Yémen. ونشروا أفكارهم الرافضية. Et ils ont commencé à propager le madhhab de الروافض, qui sont en Iran et au Liban. الزنادقة. وفي عام أو بعد مدة قصيرة اغتر كثير من الشباب وانضموا إلى حزب الحوثيين. Après une courte durée, à la fin des années 90, au début des années 2000, كثير من الشباب صعدة, beaucoup de jeunes de la région de صعدة, le nord du Yémen, تأثروا بهذه الفرقة. Ils ont rejoint les rangs de ce groupe. ثم بعد ذلك تحول هذا الحزب إلى تنظيم سياسي عسكري مسلح. ثم suite à cela, ce groupe c'est devenu une organisation politique, كذلك militaire et armée. وفي عام 2004, en 2004, وقعت الحرب الأولى بين الحكومة اليمنية والحوثيين. En 2004, la première guerre entre le gouvernement yéménite, dirigé à l'époque par Ali Abdullah Saleh, et le groupe des Houthi, la première guerre a eu lieu en 2004. Thumma, des autres guerres jusqu'à la fin des années 2000, jusqu'en 2010 à peu près, أو نواحي هذا التاريخ. قال والحوثيون نعم وقتل زعيمهم حسين بدر الدين. À cette époque en 2004, lors de la première guerre avec le gouvernement, leur chef زعيمهم حسين بدر الدين, le fils aîné de بدر الدين الحوثي, il a été tué, أخزه الله. وبعد ذلك حصلت عدة حروب بينهم وبين الدولة اليمنية. ثم après 2004, كما قلنا, plusieurs guerres entre ce groupe armé Al-Houthiyoun et le gouvernement yéménite. Wa fi 'am 2011, en 2011, qam al-ikhwan al-muslimoun ad-dullal bi thawratihim. En 2011, il y a eu la révolution au Yémen, le printemps arabe, ضد حكومة علي عبد الله صالح. Wa fi nafs al-waqt, et Al-Houthi intéchara fil manatiq al-shamaliya biquwa. En 2011, donc, la révolution, elle a éclaté dans la capitale à Sana'a. Le gouvernement de Ali Abdullah Saleh, il est tombé. Et fi hadha al-hal, Al-Houthiyoun, ils se sont propagés biquwa. Ils se sont propagés partout au nord. Et ma'adha li'anahu, il n'y avait plus de gouvernement pour les stopper, pour les contrer. Et ça nous montre, mafasid al-thawarat contre les gouverneurs. Même ce gouverneur, les manquements qu'il avait, les défauts qu'il avait, les péchés qu'il commettait, lakin, avec ce gouverneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que Ahlul Ahwa ou Al-Bida' bal Al-Zanadiqa comme Al-Houthiyoun, il ne se propage pas. Limadha li'annahu, il y a un gouverneur qui a des commandements, des lois, des principes à respecter, et de la façon gouverneur, et c'est exactement ce qu'il s'est passé au Yémen à partir de 2011. Cette année, en 2011, ils en ont profité pour faire le blocus contre Dar al-Hadith à Dammaj. Et ainsi, ils ont profité une seconde fois دار الحديث في عام 2013. En 2013, كذلك, un deuxième blocus contre دار الحديث, et ils ont continué leur expansion, leur propagation de madhhab al-Rafida au nord du Yémen. Lakin, vu que il y avait ce village et cette école qui était à la sunna, walillahi alhamd, ils ont commencé par combattre le Sunna de match, hatta ils en ont profité pour conquérir d'autres villages et d'autres contrées. Akhzahumullah. Thumma fi am 2015, en 2015, ba'da an tamakkanu fi al manatiq al shamaliyya, en 2015, quand ils ont pris le nord du Yémen, ba'da dhalik dakhalu Sana'a. En 2015, ils en ont profité à continuer à se propager, à prendre ville après ville, hatta ils ont réussi à prendre la capitale Sana'a. Wa ila al-an, وهم يحاولون السيطرة على المناطق الجنوبية والله المستعان. Et jusqu'à aujourd'hui, ils essayent de prendre كذلك le sud du Yémen, de conquérir certaines villes. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده المؤمنين. وفي نفس العام وفق الله تعالى حكام المملكة العربية السعودية ومن معهم من دول العرب المسلمين لمحاربة الحوثيين. كذلك en 2015, le gouvernement saoudien, il a pris la décision d'attaquer les Houthis en s'alliant avec d'autres pays musulmans arabes. فحصل خيرا ولله الحمد. هذه نبذة يسيرة, un bref aperçu concernant ce groupe égaré. أما أبرز شخصياتهم, أما les personnalités connues de ce groupe, on a cité le guide spirituel, le fondateur Badr al-Din al-Houthi, أخزه الله. ولد سنة 1345, il est né en 1345 de l'Égypte, بقرية ضحيان, أي un petit village à côté de Sa'da. وَنَشَأَ فِي صَعْدَ, il a grandi à Sa'da, au nord du Yémen. وَمِنْ صِغَرِهِ نَشَأَ زَيْدِيًّا جَارُودِيًّا, et depuis qu'il est petit, il s'apparentait et suivait les préceptes de ce madhab, madhab al-Zaydiyya. Lakin, une branche qui était très très proche de madhab al-Rafida. Cette branche, c'est al-Jarudiyya. C'est pour ça que très vite, il a basculé, il a rafd. Et تأثر بالخميني وبالإيرانيين الروافض أخزهم الله. ورحل إلى طهران, donc il a voyagé en Iran. وأقام بها سنوات عديدة, et il est resté plusieurs années. Et هناك il a appris et lui ont enseigné عقيدة الرافضة. فتأثر بفكر الروافض الزنادقة. توفي عام, il est mort en 2010. Le deuxième qu'on peut citer, c'est son fils aîné, Hussein Badr al-Din. Et c'est Qaidul Hizb, c'est lui le chef religieux. C'était le chef religieux de ce groupe. Et c'est le fils aîné, comme on a dit, de Badr al-Din al-Houthi. Wulida Sanat al-Futsimiyawasalatwasittin. Il est né plutôt en 1963. Wa kadalik daras al-Madhab al-Zaydi. على يد والده وغيره من الزيدية في بلاد صعدة. Et il a appris le madhab des Zaydiyya auprès de son père et d'autres Zaydi dans la région de Sa'da. وشارك في تأسيس حزب الحق en 1990. Il a participé à la création de ce Hizb. Hizb al-Haq, un groupe de Zaydiyya. ثم في عام 1991 أسس تنظيمه الشباب المؤمن. En 1991, il a instauré ce groupe شباب المؤمن, أي الحوثيون. Et à cette époque, ils se sont séparés déjà de الزيدية. فسافر كذلك مع أبيه, il a voyagé avec son père en Iran et au Liban. وكذلك تأثر الخبيث بفكر الروافض الأنجاز. ثم تفرغ حسين لإلقاء الدروس والمحاضرات ونشر مذهب الرافضة في المناطق الشمالية اليمنية. C'est pour ça que c'est lui le principal chef des Houthis. Mais son père, il avait pas un impact comme son fils Hussein. Hussein, c'est lui qui donnait les dourous, c'est lui qui donnait les enseignements religieux, les fatawas, c'est lui qui a propagé كثيرا ce madhab, et le madhab des Rawafid dans la région de Sa'da au nord du Yémen. Wa assasa al-madaris fanharafa bi sababihi khalqun kathir min ahli Sa'da wa ma hawlaha. Beaucoup, khasatan de jeunes, ta'atharu bi da'watih. Limada li'annahu il se concentrait sur deux choses. C'est pour ça que beaucoup de gens l'ont suivi. Awalan, il combattait le gouvernement. Et beaucoup de jeunes, ils ont contre Wali l'Amr. Enfin, ils ont accepté son discours. Et كذلك, son attaque et sa mise en garde contre Ahl-Sunnah. لهذا هؤلاء الشباب, c'était des Zaydis. À la base, ils étaient prêts à accepter cet égarement. Yadam billah. قتل في الحرب الأولى كما تقدم en 2004 وعمره 46 سنة. Il est mort à l'âge de 46 ans. أخزه الله. Le troisième, عبد الملك الحوثي, القائد الثاني. C'est lui qui a pris la relève après la mort de son grand frère Hussein. ولد في صعدة عام 1979. Il est né en 1979 à صعدة. Et il a étudié مذهب الزيدية وبعد وفاة أخي حسين صار قائد الحزب. Après la mort de son frère, c'est lui qui a pris la relève et c'est devenu le chef politique et religieux de ce groupe. On peut citer كذلك يحيى الحوثي, كذلك le frère de Hussein Badr al-Din. Et هذا يعيش خارج بلاد اليمن. Il vit pas au Yémen هذا. Il vit à Berlin, la capitale de l'Allemagne, depuis 2004. Il fait partie des responsables politiques, beaucoup, c'est lui qui participe au débat politique à l'extérieur du Yémen, dans les plateaux télévisés, dans les journaux, etc. C'est lui le représentant des Houthis. Il y a beaucoup d'autres personnalités, des guides de ce groupe, laquelle on a cité ceux qui sont connus. Amma usul haoula ad-dullal et leurs égarements et leurs fondements, on va les récapituler ici. Bi'aunillahi azza wa jal. Awalan nunabbih, amma ces fondements, on les a cités dans un des cours de cette série sur les sectes en islam, quand on a étudié le groupe الرافضة الروافض فالحوثيون سيد روافض فايزون عقائد ايزون ظلالات الروافض الشرك انسلتي لي كومبانيون اكوزي عائشة رضي الله عنهم اجمعين كذلك المتعة اي بوكو دوتر ايغارمون دون لا كرويونس فهنا اون فا با ديتايي كوم اون افي في دون لو كور سور الروافض افيك دي ريبليك اكسيتيرا لا سكي نوز انتريس هنا سي دو مونتري لو ليان entre Al-Houthiyoun et Al-Rawafid. C'est pour ça qu'on citera principalement des paroles de Hussein Badr al-Din ou de son père pour montrer à Nahum, ils ont cette croyance. Et on ne détaillera pas dans la réplique de ces égarements et celui qui veut plus de détails, on les a cités dans le cours concernant Al-Rawafid. Awalan, le premier fondement qu'ils ont khalif, c'est Al-Tawhid. فالحوثيون يدعون إلى الشرك بالله عز وجل. كثير منهم يفون دو الشرك. الشرك الأكبر. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك. ما من رافضي على وجه الأرض que ce soit en Iran, que ce soit au Liban, que ce soit au Yémen, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak ou autre, tu trouveras أنهم ils ont هذا البلاء ولا ينكرون الشرك. Ils mettent pas en garde contre le shirk, بل ils appellent au shirk ou ils appliquent هذا الشرك. لماذا لأن الروافض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله quand ils sont apparus بدعة التشيع بدعة الرفض هي مفتاح باب الشرك. C'est un groupe qui ouvre les portes au shirk, où qu'il soit. C'est pour ça que tu trouves, fait al-Yémen, بعض المناطق, ils étaient loin de هذا, quand al-Houthiyoun, ils sont arrivés, ils ont ouvert les portes du shirk. Et tu trouves, أن هؤلاء, ils font du shirk, ayyadan billah. وقال العلامة محمد بن إبراهيم للشيخ رحمة الله عليه كما في مجموع فتاويه ورافضة هذه الأزمان مرتدون عبدة أوثان. الروافد de notre époque, c'est des مرتدون, ils sont sortis de l'islam et c'est des adorateurs d'idoles. Des adorateurs d'idoles. لماذا؟ لماذا؟ لأن كما قال شيخ الإسلام أن الروافد ils appellent au shirk et ils mettent en application هذا الشرك. أما on peut citer des exemples de الحوثيون كونهم من أهل الرفض donc ils ont cet égarement. فهذا كبيرهم leur guide spirituel Badreddin الحوثي le père de Hussein رد على الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي الإمام رحمة الله عليه على ما لما الشيخ مقبل رد quand الشيخ مقبل il a réfuté الروافد الشيعة par rapport à ce qu'il faisait حول قبر الهادي في مدينة صعدة. Cheikh Mokbil, ils mettaient beaucoup en garde contre eux. À Sa'da, ils ont un célèbre masjid qui s'appelle Masjid al-Hadi. Il y a du shirk sarih. Ils font du shirk clairement. Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, ils mettaient en garde contre eux. Faradda alayhi Badreddin al-Houthi. Badreddin al-Houthi, il a répliqué كذلك بقوله أي en réfutant Cheikh Mokbil فجعل التمسح بتراب القبر شركا الوهابية يجعلون التوسل شركا والتبرك شركا وغير ذلك من الأسباب يكفرون بها المسلمين. هذا سامونت أن هؤلاء يفرنسيه با انتر التوحيد والشرك. فالشيخ مقبل leur a reproché plusieurs choses. Le fait de se frotter contre les tombes en demandant la bénédiction. كذلك le fait de tourner autour des tombes. Le fait d'invoquer les morts. هم ils appellent ça التوسل. Le fait de prendre des intermédiaires. Et في الحقيقة ils demandent aux morts. هذا التوسل c'est du shirk بالله comme on a détaillé كثيرا dans les دروس de التوحيد. فهو il a réfuté الشيخ مقبل par rapport à هذا. Ça montre أنه défendait ces choses. كذلك رد على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بكتاب سماه من هم الوهابية. الرافضي quand il dit الوهابية المقصود c'est الموحدون أهل السنة. C'est pour ça que tu trouves هؤلاء يبغضون ما من شيعي رافضي ويبغض الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب c'était un داعي من دعاة التوحيد. Et vu qu'eux ils combattent التوحيد, ils ont combattu شيخ الإسلام notamment avec cette appellation الوهابية pour écarter المسلمين أصحاب الفطرة السليمة de هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فإلى غبلك يا شيخ الإسلام رحمة الله عليه avec ce livre من هم الوهابية. كذلك il a écrit un autre livre سماه الإيجاز في الرد على علماء الحجاز. Il a écrit un autre livre pour répliquer une réplique contre les savants du Hijaz أي d'Arabie Saoudite les élèves et les enfants et petits-enfants de Cheikh al-Islam الذين يدعون إلى التوحيد. وفي هذا الكتاب قرر جواز دعاء الأموات. Et dans ce livre, il a montré clairement que c'était permis d'invoquer les morts من باب التوسل وهذا c'est du shirk. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. Allah سبحانه وتعالى nous a interdit d'invoquer autre que lui, un mort ou un vivant. Et qu'on appelle cela du tawassul ou autre. C'est du shirk billah. Celui qui a une demande à faire, qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Ila ghayri dhalik min al-khurafat wa shirk wa al-bida'. Et on a une preuve claire. Kadhalik ala anna al-hudhiyin ils appellent au shirk. C'est l'exemple qu'on a cité auparavant. Leur masjid jami' al-hadi à Sa'da. Fa imtala'a bi الشرك وامتلأ بالأضرحة. Il y a des mausolées de morts et بعض الناس ليلا ونهارا ils invoquent ces morts يستغاث بهم ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى وهذا لا شك أنه c'est du shirk. Le deuxième égarement qu'on peut citer عقيدتهم في عصمة الأئمة. Ils ont cette aqidah, aqidat al-rawafid, أن leurs imams ils sont infaillibles. قال حسين بدر الدين أخزه الله كما في ملزمة معرفة عظمة الله dans un cours qu'il a donné معرفة عظمة الله قال قدوتنا من أهل البيت هم من أولئك المنزهين المطهرين الكاملين في أنفسهم بإكمال الله لهم وهذا غلو. Ça, c'est l'exagération claire. Il prétend à leur modèle, c'était la famille du prophète alayhi salatu salam, Ali radiallahu anhu et ses enfants. Thumma il les a qualifiés de al-mutahharin al-kamilin. Al-kamil, c'est le parfait. Al-kamal, c'est la perfection. Et hada c'est min al-ghulu. Anna hada al-wasf la yaliq. بعلي رضي الله عنه ولا بغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهل البيت. وقال أيضا il a dit dans un autre passage الإمام علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه ذلك الرجل الكامل. Il a qualifié هنا clairement علي رضي الله عنه الصحابي الجليل بالرجل الكامل cet homme parfait. وهذا c'est من عقيدة الروافض قاتلهم الله. وقال أمين ابن صالح هران وهو أحد دعاة الحوثيين il a écrit plusieurs livres, il fait partie des guides de هؤلاء الحوثيين et ses livres ils sont propagés, enseignés عند القوم. Dans son livre الأحاديث التي صحت في فضل الآل il a écrit un livre pour montrer les mérites de la famille du prophète عليه الصلاة والسلام. فقال في هذا الكتاب استفاضت الأخبار وتواترت الآثار عن أمير المؤمنين بالإخبار عن بعض المغيبات والتصريح ببعض المكاشفات وهي ثلاثة أنواع. هنا يمضح clairement que pour eux il y a des preuves qui montrent clairement que Ali رضي الله عنه il a informé de certaines choses invisibles. Et هذا c'est من خصائص الله سبحانه وتعالى. C'est Allah سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا لا شك أنه c'est du shirk بالله سبحانه وتعالى d'avoir cette croyance أن un imam il connaît l'invisible. ثم قال وهي ثلاثة أنواع أي هذه المكاشفات والمغيبات c'est une chose que l'imam Ali connaissait parmi l'invisible. Elles étaient de trois catégories. La première قال إخباره عن مغيبات ماضيات. Il connaissait des choses, il a informé de certaines choses qui faisaient partie de l'invisible, لكن du passé. Il y en a l'invisible pour nous. Ça peut être le futur ou ça peut être le passé. Et كذلك, ça peut être le présent. Il y en a une chose que tu connais pas, أنت, ça fait partie de l'invisible pour toi. مثلا, ce qu'un tel pense, pour nous, c'est l'invisible. On sait pas ce qu'un tel pense. كذلك, dans le passé, il s'est passé telle chose dans tel endroit. Pour nous, ça fait partie de l'invisible. Enfin, ne pas croire que l'invisible, c'est que le futur. ثانيا قال إخباره عن مغيبات آتيات. هذا c'est clair. Et pour eux, Ali رضي الله عنه, il a informé de certaines choses qui se passeront dans le futur. قال النوع الثالث إخباره عن مغيبات كونيات. أي des choses qui font partie de l'invisible من هذا الكون. De cet univers. وهذا c'est من الضلال المبين. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم قل أي يا محمد. هذه الآية الله سبحانه وتعالى يدي son message محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أفضل البشر le meilleur des êtres humains قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أي je ne possède rien ni نفع ni ضر إلا ما شاء الله. Qu'est-ce que Allah سبحانه وتعالى veut. قال الله عز وجل en parlant du prophète صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل في هذه الآية لو كنت أعلم الغيب si je connaîtrais ou si je connaissais plutôt l'invisible لاستكثرت من الخير j'aurais amassé beaucoup de bien وَمَمَ السَّنِيَ السُّ et aucun mal ne m'aurait touché. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a été atteint par la maladie, ils l'ont ensorcelé عليه الصلاة والسلام, il a été accusé, il a été frappé. هذا سموت خنه يكون سبا الانفيزيبل عليه الصلاة والسلام. فكمان خطاب ك علي رضي الله عنه يكون هذا سي من ضلالات الروافض. Troisième point qu'on peut citer concernant les égarements de cette secte. Mais il y a ta'alaq bil Qur'an al-Azim. تقدم معنا في فرقة الرافضة أنهم يعتقدون أن هذا القرآن لمحرف. Ça c'est عقيدة الروافض. Ils ont cette conviction que ce Coran que les croyants ils aiment, ils lisent, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète, la parole d'Allah jalla wa ala, pour eux il a été falsifié, altéré. Et al-Houthiyoun ils sont à la هذا المعتقد غير أنهم ما صرحوا. Sauf que les Houthis, khasatan fi ibilad al-Yaman, les gens ils aiment le khair, les gens ils aiment le Coran. Enfin, ils disent pas clairement que le Coran il a été falsifié. Les mal, les anna, كثير من الناس ils accepteraient pas هذا. Ça montre leur maqr, ta'lamoun anna min usul ar-rawafid at-taqiyya. Pour propager leur madhhab, leur pensée, leur croyance, ils ont ce qu'on appelle at-taqiyya, le mensonge. Ils font apparaître une chose autre que ce qu'ils pensent. C'est des hypocrites. À la kulli hal. Enfin, ils ont cette aqida, lakin ma sarrahou biha. Et hada c'est min makrihim. Min amkar innas. Wa min akhbath innas. Et ils ont un khida'a kabir jiddan. C'est ar-rawafid. Ils rusent leilan wa naharan pour propager leur madhhab. Fa hada za'imuhum Hussein Badruddin. Akhzahu Allah. Qala. إن عليا أقصي فأقصي القرآن معه لأنه قرين القرآن. فتأملوا هذا. هذا سمت كليرمون أن إزافي ست عقيدة. إيزون ست عقيدة. أتبع هذا الخبيث حسين بدر الدين. فقال علي إن عليا أقصي. أي pour lui الصحابة إيزون إليميني علي رضي الله عنه فأقصي القرآن معه. القرآن لا disparu avec lui. Ça veut dire quoi, Ada? Ça veut dire que, vu que le Coran a disparu, ça veut dire que ce Coran qu'on a, nous lions, et ce Coran, depuis l'époque de Ali jusqu'à aujourd'hui, pour lui, probablement c'est un autre Coran, comme il a dit Ar-Rawafid. وقال أمين صالح هران, أي الخبيث qu'on a cité auparavant, من زعماء الحوثيين, قال, أي الكلام في سياق خروج مهديهم أي سو مهدي كي زعطان مهدي الرافضة قال ونفوذ بنصرته وأحلام المؤمنين به تتحقق بل وعودة القرآن به تصدق. تأملوا أنهم يزعطان سو مهدي et ce مهدي va leur emmener beaucoup de joie et beaucoup de choses qu'ils attendent et parmi ces choses أن ce مهدي va revenir avec le Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Coran qui est propagé l'homme, indahum, c'est pas le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu comme révélation. Fait ta'ammal. Ta'ammal anna ahl al-ahwa. Et encore plus, si c'est des zanadiqa, ils ont du makr. Et ils s'adaptent à l'époque et au lieu. Wa kadhalik, parmi les preuves, c'est tamjidouhum likibar rawafid. Le respect qu'ils ont et l'amour qu'ils ont pour ru'us rafidah. كالخميني وخبثاء حزب الله في لبنان جميع الروافض ce respect, cet amour qu'ils ont alors que هؤلاء الخميني الرافضة في إيران eux ils sont clairs que pour eux le Coran il a été falsifié. Cet amour qu'ils ont envers ces gens là ça montre qu'ils sont sur la même voie. Et là tu peux pas aimer, tu peux pas respecter quelqu'un qui prétend من الروافض qui dit que le Coran il a été falsifié. أبدا. كذلك من ضلالهم أنهم ينكرون السنة. C'est le quatrième point. قال حسين بدر الدين الحوثي ليس بين أيدينا في هذه الحياة سوى القرآن الكريم. Il a prétendu أنهم ne possèdent rien أي par rapport au دين autre que القرآن الكريم. Et تقدم معنا حتى ما يعتقدون في القرآن سبع عقيدة المؤمنين عقيدة أتباع المرسلين أبدا عليهم الصلاة والسلام. وقال بدر الدين الحوثي في كتابه الفئة الباغية فهذه نبذة من تخريج حديث عمار تقتله الفئة الباغية من الأمهات الست. إلى إكريس سوليف الفئة الباغية أليف كونسيغنان الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال أن عمار رضي الله عنه تقتله الفئة الباغية. C'est un hadith sahih. Que Omar il sera tué par ce groupe. Et il a écrit ce livre هذا الحوثي الخبيث. Il a rassemblé plusieurs chaînes de transmission, mais l'Ummahat al-Sitt. L'Ummahat al-Sitt, c'est Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, et Sunan. Sunan Abi Dawood, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah. C'est ça l'Ummahat al-Sitt. Al-Kutub, Al-Usul, Al-Mu'tamada, عند Al-Muslimin, عند Ahl al-Sunna. C'est les livres de référence dans la Sunna du Prophète, alayhi salatu wa sallam. Avec des compilations, des narrations du Prophète, alayhi salatu wa sallam. ثم قال concernant ces livres وإن كانت كتب القوم ليست عندنا عمدة. ثم il a bien précisé, il a rassemblé les hadiths qui sont dans ces livres, et pour lui ces livres c'est pas des références. Et pour lui il a écrit ce livre pour montrer à Ahl al-Sunnah, vous-même qui prétendez que ces livres ils sont authentiques, enfin dans ces livres il y a ce hadith. Ce hadith أن عمار il s'est fait tuer par ce groupe. وقال حسين بدر الدين كما في محاضرة معرفة الله ووعده ووعيده قال هذه افتراءات افتراها أناس سابقون وقدموها لنا ونحن ما قبلناها ونحن قبلناها منهم وبالطبع لا ننفق شيء من الباطل إلا إذا ما نفق ما ينفق شيء من الباطل إلا إذا ما حمل اسم دين وقدم إلينا باسم دين. Il veut montrer Huna, ils l'auront fait croire. Il dit à ses suiveurs, on nous a fait croire que tout ce qui avait le nom de Din, c'était forcément la vérité. Il veut en venir où à Hadha al-Khabith? À la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Falihada qala, fayuqal an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qala rasulullah salawatullah alayhi wa ala alih, yakun dhalik al-hadith في بطون المجامع الحديثية التي يعتبرونها هي مجامع السنة ألم يقدم الباطل باسم الدين. Pour lui c'était qu'un mensonge le fait de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans tel livre, tous ces livres de référence, al-Ummahat al-Sitt, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, pour lui on leur a fait croire que c'était la vérité, alors que tout ça c'est qu'un mensonge, alors que tout ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rassemblée dans ces livres. Fahada, ça montre clairement أن هذا الحزب حزب الزندقة والشرك ينكرون السنة النبي صلى الله عليه وسلم. Ils rejetaient la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Falihada, il donne aucune importance à la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. وهكذا القرآن, on a vu des paroles claires, أنهم ils ont cette aqida qu'il a été falsifié. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui va rester à un qom? Ils ont la croyance que le Coran a été falsifié. Avec ces deux points, vous comprendrez pourquoi ils ont fait sortir al-Rawafid min al-Islam. C'est des zanadiqa, des hypocrites qui, au nom de l'Islam, en apparence, ils combattent din Allah subhanahu wa ta'ala. Ils combattent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ils ont attaqué et ils attaquent jusqu'à aujourd'hui ceux qui ont propagé cette sunna, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Et c'est le cinquième point, leur cinquième égarement, at-ta'n fi as-sahaba wa radiyallahu anhum. Qala Badruddin al-Houthi ana 'an nafsi u'min bi takfirihim kawnahum khalafu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. هذا نقل صريح. Ça c'est une parole claire. أن بدر الدين, leur guide spirituel, il a parlé de lui-même et personnellement قال, j'ai la conviction que c'est des mécréants. Et les compagnons رضي الله عنهم. Pourquoi? لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? لأن pour lui ils ont délaissé la voix du prophète عليه الصلاة والسلام. وقال حسين بدر الدين كل أولئك الذين حكموا المسلمين بدءا من أبي بكر. انظر على جرأة وقبح. أي ces affirmations qui prétendent في خيار الناس, les meilleures personnes après الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فهذا الخبيث يقول كل أولئك, tous ceux qui ont gouverné les musulmans en commençant par Abu Bakr الصديق رضي الله عنه. قال من غير أهل البيت. Il a fait cette exception. Ça montre que son kalam il englobe Abu Bakr, Omar, Uthman et tous les califes après eux, sauf Ahlul Bayt, sauf Ali radiyallahu anhu et sa famille. Kharijin an muqtada al-iman. Pour eux, ce n'est pas des mu'minoun. Ils sortent min muqtada al-iman. Et celui qui sort an al-iman, c'est un quoi? Hadihi aqidatuhum fi Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa baqiyat al-khulafa sauf Ali, Omar wa Uthman radiyallahu anhum. Wa qala al-Halik Hussein la rahimahullah تبرأ هنا في الدنيا من كبار المجرمين قبل أن يتبرأ منك في الآخرة. Il disait à ses disciples, à ses suiveurs, تبرأوا, désavouez-vous tant que vous êtes vivant, من كبار المجرمين. المجرم, c'est le criminel, ceux qui font beaucoup de mal. فإذ يزكي هنا هذا الخبيث. قال, أولئك نقدسهم تحت عناوين صحابة ونحوها. Exactement comme il a dit pour la sunna. Annahum, ils leur ont fait croire qu'il y avait ce qu'on appelle une sunna, des livres, ou qu'il y avait des hadiths. Pour lui, c'est que des mensonges. Fahakadak avec sahaba. Et alladina nuqaddisuhum, ceux qui nous ont montré qu'on doit respecter certaines personnes. Pourquoi? Parce que c'est des compagnons, pour lui, entre guillemets. Thumma qala, et idha man kashafa bi annama sadra minhum, huwa mimma adhalla al-umma, fatabarra al-an. Alors que pour lui, c'est apparu clairement que haoula, c'est eux qui ont guidé, qui ont égaré plutôt la communauté. Et les compagnons, radiyallahu anhum. Fatabarra al-an. Thumma, il disait à ses suiveurs de se désavouer. Wa qala akhzahu Allah man fi qalbihi mithqala dharra min al-wilaya li Abi Bakr wa Umar la yumkin an yahtadi ila at-tariq wa lan yakun min hizbillah. Celui qui a mithqal dharra, qui a un atome d'amour, de wilaya, d'alliance. Al-wilaya, c'est al-hubb wa al-nusra. Il aime les compagnons, il veut les secourir. Celui qui a un atome de cette foi dans son cœur, al-wilaya li Abi Bakr wa Umar, la yumkin, c'est pas possible pour hada al-khabith an yahtadiya ila at-tariq, qu'il soit guidé. C'est pas possible. Si tu aimes Abu Bakr et Umar, si tu as la conviction que c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ses successeurs fi al-khilaf, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré clairement qu'ils rentreront fil jannah. Enfin, pour hada al-khabith, celui qui les aime, il peut pas être guidé. Walan yakun min hizbillah. Et il ne fera pas partie du hizb d'Allah. Alors qu'on sait qu'il y a hizbullah et hizbul shaytan. Et celui qui ne fait pas partie de hizbullah, il fait partie de quel hizb? Akhzarullah. Wa dhakara Abdurrahman al-mujahid fi kitabihi at-tashayyu' fi sa'da. Hada, c'est un mu'allif, c'est un auteur qui a écrit un livre at-tashayyu' fi sa'da. Et le chiisme à Sa'da. Et il explique le cas des Houthi. Il a démontré clairement que c'est des rawafid. Et que ce n'est pas des simples zaydis, si on peut employer ce terme. Les zaydis, ils n'ont pas ces égarements. Ils n'ont pas ces égarements comme Rawafid. C'est des égarés, c'est des innovateurs, là, qui n'ont pas atteint le niveau d'égarement de Rawafid, de Zanadiqa, les hypocrites qui sont sortis de l'islam. Fadakar Abdurrahman had al-Mujahid, fi kitabihi al-Tashayyu' fi Sa'da, anna min a'zam munkarat allati yaqum biha Hussein Badreddin. Parmi les choses graves que Hussein Badreddin il faisait, Sa'da fi haqq al-mu'minin Aisha radiyallahu anha concernant la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam as-siddiqa bint as-siddiq radiyallahu anhum fayaqum bi akhd kalba sawda wa yadfunaha ila muntasafiha thumma yaqul li atba'ihi urmu Aisha allati lam yaqum 'alayha al-hadd hakadha az-zandaqa والكفر إذا تمكن في القلب. هكذا celui que son cœur est rempli d'hypocrisie et de mécréance, il osera dire ce genre de paroles sur la femme du prophète عليه الصلاة والسلام. فقال أن حسين بدر الدين qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un chien noir et il l'enterrait à moitié et il disait à ses suiveurs de lapider ce chien. Pourquoi? Il y en a pour lui. C'était un symbole. Et lapider ce chien, c'est Aïcha, Aïcha, radiyallahu anha, elle n'a pas été lapidée pour ce qu'elle a fait. Et ça montre kufr, hada az-zindiq. Il y en a celui qui accuse Aïcha, radiyallahu anha, d'avoir commis ce grave péché. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a innocenté fait le Coran al-Azim, la chaque annahu yukadhib le Coran. Et ça nous montre, et c'est un lien très très important, anna ha'oula la yu'minun bi hadha al-Quran qu'on a entre nous. Là, pour eux ces versets qui concernent Aïcha, imma ils vont les interpréter, ils vont dire que c'est pas Aïcha, imma ils vont dire que c'est un ajout de as-sahaba radiyallahu anhum. Wa illa fal mu'min qui a cette conviction yadan billah sur Aïcha, il n'a pas la foi. فليهاد ابن القيم رحمه الله تعالى نقل الإجماع قال واتفقت الأمة على كفر على كفر قاذفها نعم أي عائشة اتفقت الأمة la communauté elle est unanime, il y a consensus إجماع أن celui qui accuse عائشة c'est un kafir. Pourquoi? لأن les versets sont clairs أنها était innocente. وهكذا نقل الإجماع الإمام النووي وغيره عليهم رحمة الله جميعا. والضلالات أخرى في العقيدة كتعطيلهم لصفات الله عز وجل. الروافض تقدم معنا أن dans العقيدة c'est les معتزلة. C'est pour ça que يعطلون الصفات, ينكرون عذاب القبر, ينكرون رؤية الله في الآخرة. C'est pour ça que pour Allah il a pas d'attributs. Kadhalik, ils rejettent le châtiment de la tombe. Kadhalik, ils disent qu'on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Ils ont aqidat al-i'tizal. Fahada Badruddin, ou Hussein Badruddin, akhzahu Allah, qala wa lihada nahnu naqul, fi aqaidina la yajouzan naqul anna Allah, anna lillahi wajhan, kama yaqul al-akharun. Pour lui, ce n'est pas permis de dire que Allah il a un visage. Kama yaqul al-akharun. Alors que les versets du Coran, ils sont clairs. Wa yabqa wajhu rabbik. Allah il a un wajh. Est-ce que ça veut dire que c'est un visage comme celui des créatures, abadan. Lakin, haoula, la aql wa la din. Ils ont perdu la raison et ils n'ont pas de religion. Kama yaqul al-akharun, ay ahl al-sunnah, qui prétendent que Allah il a un visage. Et c'est le haq, wa laysa lahu yad, wa laysa lahu a'yun, kama yaqul al-akharun, hadhihi aliyat, khalaqaha lana nahnu an-naqisin, nahnu al-qasirin. Na'am. Ça, c'est des choses que nous, on a besoin en tant qu'être humain à cause de nos faiblesses, etc. Avoir des mains, avoir un visage, avoir des yeux, etc. Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y a pas de chose. Wa huwa as-sami'u al-basir. Kadhalik, inkar adab al-qabr. Qala al-halik Hussein, akhzahu Allah. Law hunak adab al-qabr, ou munkar wa nakir, lakana hasala fi qabr hada qabla ay wahid. Ça montre. Annahum, c'est des mu'tazila fi hadha al-bab. Annahu, il prétend que s'il y aurait vraiment un châtiment de la tombe, un tel il serait fait châtier. Si on aurait creusé sa tombe, on aurait vu le châtiment. Al-ahmaq, ka'annahu la yadri anna hadha al-bab al-azim, ça concerne al-barzakh, c'est une autre demeure. Tu peux pas voir, tu peux pas entendre. Na'am. Wa qala ghayr ma hunalika shay. Et pour lui, il y a rien. C'est un mensonge, hadha al-qabr, le châtiment de la tombe. قال المطرقة لا تحملها قبيلتين هكذا قال يضربوه بها أي les deux anges أي كذلك ça montre que c'est des عقلانيون. Ils fonctionnent qu'avec la raison, ils fonctionnent pas avec les textes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a informé telle chose, c'est la vérité. فهو يقول comment cette matraque que deux tribus ne peuvent pas porter, comme c'est cité dans certaines riwayat, enfin comment deux anges vont réussir à la porter. D'autres égarements fi al-mu'taqad min dhalalatihim kadhalik on peut citer al-mut'a et ça c'est min usul din al-rafida, ça fait partie des fondements de leur religion comme on a déjà montré dans le cours sur la secte de al-rafid. Al-mut'a c'est le mariage temporaire et en fait c'est zina, c'est avoir des rapports avec une femme sans contrat de mariage, sans l'accord du wali. Hakada c'est min bab al-zina. Et Al-Qawm, c'est des foussaq. Ils sont attirés par Al-Shahawat, Al-Muharrama Jiddan. C'est pour ça que même si tu leur montres par des preuves claires que c'est haram et que ça a pour conséquence des choses très très graves, Al-Nahum, ils sont attirés par ces choses. Falihada su'ila Al-Halik Badruddin Al-Houthi Akhzahullah Anil Mut'a Al-Jama'iyya Al-Lati Talabaha Ba'd Al-Houthiyin Al-Mujahidin. Ils ont posé la question à Badruddin Al-Houthi sur le mut'a al-jama'iyya. Et en groupe. C'est même pas le mariage temporaire à un homme avec une femme. Là, c'est en groupe. اي بعض الحوثيين كي فازي الجهاد في سبيل الشيطان. Ils ont demandé à Badreddin al-Houthi, vu qu'il faisait le jihad et il n'avait pas de quoi se marier, il a akhiré al-Muhim, anhum, ils avaient ce besoin, est-ce qu'ils pouvaient faire al-Mut'a en groupe? Faqala al-Khabith, akhzahu Allah min al-Ma'loum, anna zawaj al-Mut'a halal mubarak fi madhhabina. Il l'appelait zawaj, alors que c'est min al-Dalal. Ce n'est pas un mariage, abadan. Pour eux, al-Mut'a c'est halal. مبارك في مذهبنا dans leur مذهب أي مذهب الرافضة وقد حاول النواصب تشكيكنا فيها ومنعنا منها النواصب أي أهل السنة المؤمنون أي qui ont montré que ce n'était pas permis قال مخافة أن يتكاثر أبناء مذهبنا انظروا كيف زيغار الشباب. Il leur a fait croire que ceux qui disent que le mariage temporaire al-Mut'a c'est interdit, c'est parce qu'ils nous aiment pas, ils ne veulent pas qu'on ait des enfants et qu'on soit nombreux. أنا أعوذ بالله من الإنحراف. قال ومن المعلوم أن التمتع مع أحد المجاهدين أكثر أجرا من غيره. ثم il a rendu permis à ces femmes qui lui ont demandé. Il y en a, c'est un groupe de femmes qui a demandé à Badreddin al-Houthi, est-ce que c'est permis d'avoir des rapports avec ces hommes qui font le jihad? Et il leur a répondu que avec le mujahidoun, il y a encore une plus grande récompense. لا عقد ولا ولي ولا et en groupe عياذا بالله. Et Hada, on l'a expliqué dans le cours concernant Ar-Rawafid, avec plus de détails. Amma shi'aruhum al-kadhib, et c'est le dernier point, anna ha'oula al-qawm, ils ont un slogan, un emblème, ça s'appelle en arabe al-shi'ar. Wa huwa qawluhum Allahu Akbar, al-maut li-amerika, al-maut li-israël, اللعنة على اليهود النصر للإسلام ويرددون هذا الشعار كثيرا يغبت souvent هذا الله أكبر الموت لأمريكا موغا لأمريكا الموت لإسرائيل موغا إسرائيل اللعنة على اليهود que les juifs soient maudits النصر للإسلام et que النصر يسوى للإسلام la victoire à l'Islam. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في منهاج السنة يعادون أي الروافد خيار أولياء الله تعالى من بعد النبيين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ويوالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمشركين وأصناف الملحدين فلا تغتر. On a cité cette parole de l'imam Nutaymiyyah رحمه الله pour montrer أن الرافضة que ce soit الحوثيون ou autre ils combattent أولياء الله. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa ghayruhum radiyallahu anhum, et كذلك les imams de la guidée qui les ont suivis jusqu'à nos jours ahl al-sunnah, et كذلك yuwaluna a'da Allah, et ils ont toujours été les alliés des ennemis de l'islam parmi les juifs, les chrétiens et al-mulahida ou al-mushrikoun de toutes les catégories. Fala taghtar bi hadha, ay annahum ils prétendent de combattre l'Amérique, combattre Israël, ils ont la haine des Juifs, etc. C'est du kadhib. Harboum, il est contre al-mu'minin, al-muslimin. Wa al-waqi' yashhad. Et ce qui se passe, et ce qui s'est passé, c'est une preuve claire. Annahum, ils n'ont jamais eu de problème avec les Américains ou les Juifs. Leur guerre, elle est contre les croyants. Wa lihada sarraha Yahya ibn Badruddin al-Houthi. On l'avait cité au départ, le responsable politique Filiqa'illah, Fiqanat al-Arabiya, il a été clair dans un entretien qu'il a eu dans la chaîne al-Arabiya en 2005. قال إن أمريكا لم تكن في يوم من الأيام عدو للحوثي. Il l'a dit clairement, l'Amérique, les États-Unis, ils n'ont jamais été un ennemi pour les Houthis. قال كما لم يكن الحوثي وأتباعه أعداء لها. Les États-Unis, c'est pas un ennemi pour le Houthi. Le Houthi, c'est pas un ennemi des États-Unis. Hada, c'est un shi'ar qui répète فقط pour endoctriner les jeunes au Yémen, leur faire croire en eux, ils combattent la mécréance et les ennemis de l'islam parmi les juifs, les chrétiens, etc. Et c'est qu'un mensonge. وصرح الهالك حسين بدر الدين كما في الصرخة في وجه المستكبرين بأن الإرهابيين الحقيقيين هم الوهابية. clair. Les terroristes, leur ennemi, et les ennemis des Houthis, c'est qui? C'est Al-Wahhabiyya. Al-Wahhabiyya, c'est qui? C'est Al-Sunna. كما تقدم معنا. Et Abdelmalik Al-Houthi, كذلك, صرح أن leur organisation elle a été fondée pour une chose, pour combattre l'intichar al-Salafiyyin au Yémen. Khassatan dans la région de Sa'da. الدعوة القوية في دار الحديد بدمج اللي ديرانجي جدا. Et c'est pour ça que après l'apparition du marxisme de Sheikh Mouqbil au début des années 80, d'ammelou, 10 ans après, tu as ce groupe qui apparaît. Thumma, 20 ans après, يحاصرون دار الحديد بدمج. هكذا أعداء الله. Ils se servent de هؤلاء pour combattre دعوة أهل السنة. والله سبحانه وتعالى ناصر دينه. وكذلك الحوثيون يوالون ويحبون ويمجدون إمام الضلالة الزنديق الخميني أخزر الله. Et ça, ça montre أنهم ils ont pas pour ennemi les mécréants. Et leur wala et leur bara, c'est pas par rapport à Dine Allah subhanahu wa ta'ala. Ils auraient jamais aimé et pris comme modèle هذا الزنديق الخبيث الخميني. وهو القائل كما في كتاب لله ثم للتاريخ أي الخميني. C'est lui qui a dit أنا الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم. أي le temps il est venu de mettre en application وصايا الأئمة, ce que les imams nous ont conseillé. أي parmi أئمة الرفض. قال سنسفك دماء النواصب نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Al-Houthiyoun et leurs imams, Al-Khomeini et leurs suiveurs, Al-Rawafid, dans chaque pays, que ce soit en Iran, que ce soit en Irak. Et ce qui s'est passé dans certains pays, comme en Irak, en Syrie, là, c'est hada. Al-Rawafid, yaqtuloun wa yuhariboun al-mu'minin, les croyants, al-sunnah. Falihada, leur rêve, leur désir, c'est quoi? C'est de faire couler le sang de Al-Nawasib, et des croyants. نقتلوا أبناءهم, tuer leurs enfants, leurs garçons, ونستحيي نساءهم, laisser en vie que leurs filles, ولا نترك أحدا منهم يفلت من العقاب, وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت. Et كذلك leur bien, leur argent, tout ce qu'ils possèdent, ça reviendra à أهل البيت. وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض, لأن هاتين المدينتين صارت معقل الوهابية. Et كذلك leur rêve, leur désir, c'est d'effacer Mecca et le Medina de la carte. Pourquoi? Parce que ces deux villes, c'est devenu le bastion de الوهابية. Alors que ces deux villes, c'est معقل الإسلام. Chaque mu'min, il aime ces deux endroits. الحرمين الشريفين. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ بلاد التوحيد. وقال بدر الدين الحوثي في رسالة جود الشهرستاني, الحركة في اليمن تهتدي بنهج إمام الأئمة وقائد الثورة الإسلامية الإمام القائد الموجه روح الله آية الله الخميني. انظروا هذا الثناء. Comparez ce ثناء, أي ces éloges qu'il a fait الخميني et ses accusations contre Abu Bakr, Omar, Uthman. Et on n'a pas détaillé. وإلا فالخبيث إلى il a des paroles très très graves, il les accuse de mécréance, etc. أما في هذا الزنديق الخميني فإلا appelé إمام الأئمة, l'imam des imams, le guide des imams, قائد الثورة, le guide de la révolution iranienne. ثم قال روح الله آية الله, etc. Alors que celui qui connaît son dîn et qui connaît les paroles de الخميني, il n'aura aucun doute sur la mécréance de الخميني. والله il a des paroles plus graves que les juifs et les chrétiens, أخزه الله. فبعد هذا كله, il apparaît clairement que الحوثيون c'est des روافض et c'est pas des زيديه. وعلموا أن الحوثيين الآن ils essayent depuis quelques années de faire croire que c'est pas des روافض. حتى les paroles qu'on a citées de Hussein Badreddin qui sont claires, l'accusation et le takfir des compagnons radiyallahu anhum et ses paroles contre le Coran, contre la Sunna, eux ils essayent de faire croire à Nahum ils ne sont pas d'accord. Lakin ne fait jamais confiance à un rafidi. C'est même pas le taqiyya. Wa illa fa yuhibboun Hussein Badreddin. Wa illa fa il serait sincère. Yatabarraoun. Il se désavoue de lui. Et il délaisse ce groupe. Lakin, devant les médias, devant la masse, ils essayent de faire croire que c'est des erreurs, certaines erreurs de Hussein. Là, c'est pas des erreurs, c'est de l'égarement, c'est de la mécréance. Et le mu'min, il doit avoir un comportement par rapport au mécréant. Khas, Satan, c'est cette mécréance. Elle lui est attribuée. Fa kadhaboun. Kadhaboun, en public, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Wa illa va. Fa ma'rouf. Haluhum as-sa'da. Le taqdir, c'est l'exagération qu'ils ont envers Hussein et son père Badreddin. Naam. Fa la shak annahum. C'était pas des Zaydiyya, mais c'était des Rawafid. Et Az-Zaydiyya, anfusuhum, un de leurs guides, Muhammad Abdel Azim, ben c'est leur imam à notre époque, et il a combattu les Houthis. Et il les détestait. Il a rapporté l'unanimité des savants du madhab Zaydiyya al-Houthiyin. C'est des mécréants. وقال ايضا ان جماعه الشباب المؤمن خرجت عن الدين وانها طلائع الدجال. Il a dit clairement ils sont sortis du din et haoula c'est ça sera les suiveurs du dajjal. واقوال ائمه الاسلام مشهوره في الحكم على الرافضه. Si on a bien compris que c'était pas des zaydiyya et on sait que c'est des rawafid, fa alhamdulillah. أقوال أئمة الإسلام sur الرافضة c'est clair. On peut citer la parole de l'imam Shawkani رحمه الله. لماذا؟ لأنه il vivait au Yémen et il connaissait الزيدية. فقال في الروافض كما في النثر الجوهر على حديث أبي ذر وبهذا يتبين أن كل رافض خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد فكيف بمن كفر كل الصحابة واستثنى أفرادا يسيرة تغطية لما هو فيه من الضلال. نعم. هنا il a montré clairement le même Shawkani أن هؤلاء الرافضة c'est des mécréants. لماذا؟ لأنهم يكفرون الصحابة. Celui qui dit que Abu Bakr ou Omar ou Uthman ou Muawiya ou Aisha etc. يطعن فيهم هذا لا شك في كفره comme il a démontré l'imam Nutaymiya ou غيره. Et on vient de lire la parole de l'imam Shawkani. فعلى كل حال on conclut هذه الكلمة أن من العجائب ونسأل الله السلامة والعافية أن بعض المسلمين à notre époque يدافعون ويحسنون الظن بهؤلاء المجرمين الزنادقة. Et العجيب أن هؤلاء c'est pas des yéménites. والله بعضهم ils vivent dans des pays ni ils ont rencontré des Houthis ni connaissent الحوثيين لكن يدافعون عنهم لماذا؟ pourquoi؟ bien sûr à cause de l'ignorance et parce que المملكة العربية السعودية دولة التوحيد. Ce gouvernement qui défend et qui propage le توحيد et qui aime les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم avec des manquements on est des ahl sunna, on n'a pas la croyance en l'infaillibilité d'une personne ou d'un gouvernement. Abadan. Lakin, ils ont du khayr. Azim. Ou yuhibbouna al-khayr. Ils propagent al-khayr. Et ils combattent a'da al-khayr, a'da al-tawhid. Que ce soit al-houthiyin, mathalan, par rapport à notre sujet. Aba'ad al-nas, mujarrad anna al-mamlaka al-sa'udiyya wa man tahalafa ma'aha min douwal al-islam contre hadha al-adou. Tu trouves بعض العوام يحسنون الظن في الحوثيين ويطعنون في السعودية. لماذا؟ لأنه الجهل. أين الإيمان؟ أين التوحيد؟ أين حب الصحابة رضي الله عنهم؟ Bien sûr, on n'accuse pas هؤلاء الجهال من العوام de ne pas avoir de foi, de ne pas aimer الصحابة. لا أبدا. لكن leur ignorance est avec une simple étude, ils auraient compris que Haoula, c'est des ennemis du Tawhid. C'est des ennemis de la Sunna. C'est des ennemis du Coran. C'est des ennemis des compagnons. Ils accusent Aïcha, radiyallahu anha. Et comme une dhalalat qu'on vient d'expliquer. Fali hada la yajouz li ahad an yatakallam min babi awla an yattakhid mawqifan. Personne n'a le droit de parler, encore plus de d'avoir soi-disant un principe de défendre un tel ou un tel, alors qu'il ne connaît pas cette personne ou il ne connaît pas ce groupe. Enfin, une simple étude de هذه الفرقة الحوثية, l'insan, il s'apercevra directement que c'est de Rawafid. Et Rawafid, ils font partie des ennemis de l'islam et combattent l'islam depuis l'époque de Abdullah ibn Saba, qui est apparu à l'époque de Ali, radiyallahu anhu, un juif qui a essayé de diviser les musulmans et jusqu'à aujourd'hui, avec Rawafid en Iran et qui propagent leur shir partout. Enfin, on doit faire attention. On doit faire attention à l'atifa, les sentiments, l'ignorance. Et hakada, suivre les médias et ne pas revenir aux savants de la sunna qui ont très très bien montré. Pour finir, une référence, Kitab Kashf Asrar al-Houthiyin, les Cheikh Saïd bin Da'as al-Yafi'i, rahmatullah alayh, c'est une référence via Hadalbab, il a cité les égarements de Ha'oula avec des références. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yudhil al-shirk wal-mushrikin wa an yansur al-islam wa المسلمين ونسأله عز وجل أن يشتت شمل الحوثيين ويمزقهم كل ممزق إنه ولي ذلك والقادر عليه. فننصح الإخوان de faire الدعاء contre هؤلاء. هؤلاء إلى يومنا هذا يفهم beaucoup de mal. Font beaucoup de mal au peuple yéménite. فلهذا si on revient à ce qu'on citait juste avant, par rapport à ce qu'ils voient dans les médias et cette épreuve qui a touché le peuple yéménite, et ils pensent que c'est la faute des Saoudiens. Abadan. Abadan. La faute, c'est Ha'oula qui ont divisé, qui se sont rebellés contre le gouverneur, qui ont attaqué des villes, des villages, des régions entières. Ils n'ont rien compris à ce qu'il se passe Hunak et ils pensent que c'est de la faute de tel ou tel pays. Enfin, c'est pour ça qu'on doit faire beaucoup de dua. Lianna, le peuple yéménite, c'est un peuple qui est à la khair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a cités fi ba'd al-ahadith. Enfin, on doit faire ad-dua pour eux et on doit faire ad-dua contre cet ennemi, al-Houthi, al-Khabith, wa alhamdulillahi rabbil alamin.